franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Étrange destin que celui de ce pays dont personne ne parlait il y a 15 ans et dans la main de qui désormais tout le monde vient manger. Comment le Qatar est-il passé en moins de deux décennies du statut de monarchie arabe comme une autre à celui d'un pays que tout le monde courtise? Toujours est-il que le football, qui par tradition ne prête qu'aux riches, s'est naturellement engouffré dans la brèche au point d'offrir au Qatar la Coupe du Monde sur un plateau. Pourquoi a-t-on confié l'organisation de cette compétition à un pays qui n'a aucune tradition de football? Un pays où les matchs se joueront sous des températures à envoyer tous les chameaux faire la sieste? Qu'adviendra-t-il de nos pauvres footballeurs? Au-delà de ces considérations purement techniques, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pose des questions plus lourdes et révèle l'ampleur des pratiques sans foi ni loi de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Arrangements, manquements à l'éthique, entorses au règlement, pour tout dire, corruption, à tel point que la justice américaine a fini par qualifier ce système de mafieux. Pour revenir avec nous sur cette affaire, nous recevrons en seconde partie d'émission le journaliste et rédacteur en chef au journal L'Équipe, Jean-Philippe Leclerc. Il est l'auteur du livre consacré à Michel Platini aux coulisses de la FIFA, ouvrage intitulé « Platoche, gloire et déboire d'un héros français » qui vient de sortir aux éditions Flammarion Enquête. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attachée de production, Léa de Pouyenquin, Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, nous sommes le 2 décembre 2010. Il est un peu plus de 16h30 lorsque Sepp Blatter, le président de la Fédération Internationale de Foot, monte à la tribune et ouvre l'enveloppe qui contient le nom du pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Après plusieurs mois de compétition, des semaines de discussions et 4 tours de scrutin, c'est donc le Qatar qui, à la surprise générale, remporte la mise. Dans la salle, vous l'avez entendu, on applaudit. Puis les lumières des projecteurs se tournent en direction de la table des représentants qataris qui se lèvent, se congratulent et s'embrassent, tous unis autour de l'émir du pays dont la présence est remarquée. Fait rare, lui et sa délégation ne portent pas ce jour-là leur traditionnelle robe blanche et leur keffieh, mais des costumes noirs d'un grand couturier italien. De leur côté, les femmes qui les accompagnent ne portent pas non plus leur traditionnelle voile islamique, mais des chapeaux colorés. Grosse opération de com' par le textile, aujourd'hui, l'image que renvoie, ou plutôt que veut renvoyer le Qatar, est celle d'un pays moderne et surtout triomphant, comme en témoigne l'un des fils de l'émir Al-Thani, Sultan Al-Thani. La Coupe du Monde dans un pays arabe pour la première fois, c'était une décision historique. Que le monde puisse voir un pays arabe moderne, que les gens arrêtent de voir cette région avec les clichés. Le contraste est saisissant, car à quelques mètres de là, l'ambiance est radicalement opposée. L'annonce de la victoire des Qataris sonne comme une douche froide pour les autres délégations. Mais enfin, c'est pas possible. Qui ont-ils payé? Lance un représentant de la délégation des États-Unis à son homologue australien, lui aussi visiblement très déçu. Cet homme, c'est Bill Clinton, président d'honneur de la délégation américaine, donnée archi-favorite et qui ne se prive pas de réagir bruyamment. Cela dit, les Américains ne manquent pas d'air. Ils l'ont déjà eu, la Coupe du Monde, il y a 22 ans. Beaucoup de pays attendent bien plus longtemps pour être servis une deuxième fois. Mais bon, toutes les délégations réunies à Zurich vivent la scène comme un hold-up réalisé par un micro-État 100 fois plus petit que les pays qu'elles représentent. Un pays qui n'a jamais montré aucun intérêt particulier pour le foot, un pays dont l'équipe nationale n'a jamais brillé ni par ses résultats ni par son niveau, un pays qu'ils ne savent même pas placer, pour certains, sur une carte. Lorsqu'on ouvre un atlas, il est difficile sur l'instant de situer avec précision le Qatar. Deux raisons à cela. D'une part, cet émirat au Moyen-Orient est minuscule, à peine plus grand que le département de la Gironde, en France. D'autre part, son territoire en forme de presqu'île dans le golfe Persique est accolé à la gigantesque Arabie Saoudite. indépendante depuis 1971, la monarchie qatarie possède une particularité de taille par rapport à son voisin, les Émirats arabes unis, car elle ne tire pas ses richesses du pétrole. Mais non, ici l'argent vient du gaz, une matière première dont le Qatar est le troisième exportateur mondial. De cette fantastique richesse naturelle coulent plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année. De l'argent que les Qataris investissent dans les entreprises et dans des biens stratégiques à l'étranger, mais aussi dans le développement de leur propre pays. Résultat, la capitale, Doha, ressemble à un perpétuel chantier à ciel ouvert. Ici se croisent des projets de tours pharaoniques, là d'ambitieuses esquisses d'autoroutes suspendues ou de projets d'îlots artificiels. Un univers dans lequel les pelleteuses, les grues et autres engins de travaux font office d'unique panorama sur des dizaines de kilomètres. Et là, en revanche, c'est le miroir des Émirats arabes unis. Même tableau, même mégalomanie, même gigantisme et même traitement pour leurs travailleurs émigrés, traités comme des esclaves. Ancien correspondant de Radio France sur place, Aurélien Colli raconte les projets de développement envisagés par l'Émirat pour accueillir la Coupe du Monde. Le Qatar a publié ces derniers jours quelques détails sur ce qu'il a l'intention de construire. Alors, il va y avoir 12 stades pour cette Coupe du Monde, dont 3 existent déjà. Ce sont des stades couverts qui avaient été construits pour les Jeux Asiatiques que le Qatar a accueillis en 2006 et qui sont aujourd'hui devenus le siège d'une académie internationale de sport, avec un centre d'entraînement, un centre de soins aussi, où des sportifs du monde entier viennent se préparer. Alors, en plus de ces 3 stades, il y aura un énorme nouveau stade qui va être construit dans une nouvelle ville, Lusail, au nord de Doha, où il y a déjà un circuit de Grand Prix Moto. Ce stade accueillera 85 000 places et c'est là que, vont se tenir les matchs d'ouverture et de clôture de la Coupe du Monde. Et puis il y aura un autre stade aussi, le Doha Stadium, 45 000 sièges, à peu près, ouais. Le Parc des Princes à Paris, qui là va être construit sur une péninsule artificielle. Alors écoutez, ils vont aller chercher, ils vont creuser en fait les eaux, le fond des eaux du Golfe pour constituer cette péninsule. Alors c'est évidemment un drame pour l'environnement, mais c'est visiblement pas la première préoccupation. Et une fois que le stade va être construit, il sera ensuite utilisé pour la Coupe du Monde et il va être démonté après. C'est en tout cas ce qu'annonce le Qatar. Comment ils vont le démonter exactement, c'est pas très bien. Quelques jours seulement après l'attribution de la Coupe du Monde 2022 par la FIFA, la question que de nombreuses personnes se posent et qu'elles n'ont pas fini de se poser est la suivante. Mais enfin, pourquoi ? Quelle idée ? La réponse se niche dans les bureaux des tours de verre géantes du centre-ville de Doha. C'est en effet ici que depuis le milieu des années 2000, le petit Émirat et ses dirigeants planifient leur avenir au travers d'un incroyable projet qui répond au nom de code Qatar Vision 2030. Dans les grandes lignes, ce programme doit donner de la crédibilité politique et une reconnaissance sur l'échiquier des relations internationales. Et parmi les axes forts de cette transformation profonde, comme on la présente, de la société qatari, il y a le sport et le football en particulier, le sport universel auquel personne ou presque n'échappe sur cette planète. Un choix stratégique que le géopoliticien Pascal Boniface explique. Le Qatar est un tout petit pays, très peu peuplé, très riche. Donc il a peur d'être croqué par ses voisins, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Et donc pour exister sur la carte, pour que tout le monde sache que le Qatar existe et le protéger un peu, il mise entre autres sur le sport. Et lorsque vous organisez la Coupe du Monde, vous êtes au centre du monde. Mais du coup, c'est un revers. C'est que auparavant personne connaissait le Qatar et du coup, personne ne le critiquait. Maintenant, tout le monde connaît le Qatar et il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Outre les grands événements sportifs comme son Open de tennis, son Grand Prix de moto ou son Critérium cycliste, le Qatar manifeste donc une grande appétence dans le milieu du football. 6 mois après avoir obtenu la Coupe du Monde 2022, le Fonds souverain de l'Émirat fait d'ailleurs un premier pas très remarqué en France. Les Qataris signent en effet un chèque de 76 millions d'euros et rachètent pour 3 fois sa valeur le club de football de la capitale, le PSG. À cela s'ajoute un investissement supplémentaire sur 2 ans de plus de 130 millions d'euros. Comme toujours, lorsqu'on parle d'argent avec les pays du Golfe, les sommes engagées sont énormes. Quelques mois plus tard, les chèques de Doha s'offrent les services de la superstar des pelouses et Space Boys, David Beckham. S'en suivront une flopée d'achats mirobolants et impressionnants qui vont affoler la planète football. Outre le Paris Saint-Germain, le Qatar s'offre aussi le sponsoring du plus grand club de la planète, le FC Barcelone, et rachète via sa chaîne Al Jazeera Sport, connue en Europe sous le nom de Bein Sport, les droits de diffusion des principaux championnats et compétitions de foot dans le monde. Enfin, le pays embauche de fidèles ambassadeurs. Parmi eux, des personnalités de premier plan dans le monde du ballon rond, l'Argentin Lionel Messi, l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, l'Hollandais Ronaldo Bourg, le Brésilien Pelé ou Roberto Carlos, le Camerounais Roger Milla et même l'ex-numéro 10 des Bleus, Zinedine Zidane. Tout cela grâce à la traditionnelle diplomatie du carnet tchèque. On parle ici de sommes allant de 11 à 25 millions d'euros par tête. En échange, les joueurs doivent soutenir les ambitions de la petite monarchie gazière lors de forums sur le sport et prêter leur image pour des spots télévisés qui vantent les mérites de l'émirat. Dans le jargon des agents de joueurs, on appelle ça un échange de bons procédés. Parmi les autres éléments de ce système d'influence et de communication à grande échelle mis en place par le Qatar, l'un d'eux est longtemps resté méconnu. Il s'agit du programme Aspire Football Dreams. Son rôle, détecter les jeunes talents à travers le monde et les recruter pour qu'ils portent plus tard le maillot de la sélection qatari. Une méthode qu'explique au micro de France Inter Mike Brown, le responsable des entraîneurs du programme. Ça a commencé en Afrique et ça s'est étendu à différents pays d'Amérique centrale et d'Asie, par exemple au Vietnam ou en Thaïlande. Le staff repère des joueurs très talentueux, des garçons nés en 1998. Ils viennent pendant 3 semaines pour des entraînements et des évaluations. Et à partir de là, un groupe va être sélectionné pour rejoindre notre académie au Sénégal. Aspire travaille avec des associations installées dans ces pays. Elles sont très satisfaites qu'Aspire travaille avec eux parce qu'on les aide à repérer les meilleurs joueurs dans leur pays. J'espère que certains d'entre eux deviendront des très bons joueurs, des joueurs internationaux reconnus. Acheter et importer des joueurs de football, c'est tout juste si on ne parle pas de la balance des paiements. C'est pourtant un exemple, parmi d'autres, de la stratégie sans limite des Qataris. Pour financer et alimenter un tel système, l'Émirat ouvre une fois de plus le robinet des gazodollars. Il dépense 3 millions pour un nouveau centre de formation, 4 pour une clinique du sport, 2 dans une piscine digne d'un central spatial, 7 millions pour créer une ville artificielle et y loger des athlètes. La liste de toutes ces constructions publiées par les organisations qatari en vue du Mondial 2022 semble sans fin. Et c'est bien cela qui éveille les soupçons de la presse. Si le Qatar a les moyens de tout acheter et de tout construire, ça paraît clair, aurait-il aussi acheté des voix pour l'attribution de la Coupe du Monde? Des questions légitimes tant les indices s'accumulent. D'ailleurs, de très nombreuses polémiques agitent la FIFA depuis plusieurs décennies. Au moment de l'attribution de la Coupe du Monde 2022, l'homme au sommet de la pyramide du sport le plus populaire de la planète, c'est le fameux Sepp Blatter, qui règne d'une main de maître depuis 1998 sur les intérêts de la fédération, véritable multinationale du sport et formidable machine à cash. En l'espace de 4 mandats, en effet, Sepp Blatter a multiplié par 6 les recettes de la FIFA, grâce à l'explosion des droits de retransmission télé et du sponsoring. Les caisses de la FIFA sont pleines, on estime sa réserve à but non lucratif, oui c'est écrit noir sur blanc, à but non lucratif, à plus $1,5 milliard. Pour de nombreux observateurs, cet afflux d'argent est à l'origine de pratiques douteuses. On parle de rétro-commission. Le principe est le suivant, ce que les dirigeants de la FIFA font gagner à leur association leur revient d'une manière ou d'une autre dans les poches via des réseaux de redistribution du butin. L'une des raisons qui explique ces pratiques occultes, c'est sa gouvernance. Le mode d'administration de la FIFA et son système de contrôle n'ont pas changé depuis plus d'un siècle. Chaque pays pèse le même poids et possède donc le même nombre de voix lors des élections. Un phénomène qui, comme en politique, favorise le clientélisme, système dont Sepp Blatter est devenu, de l'aveu de certains journalistes, un orfèvre en la matière. Alors, on s'étrangle quand on l'entend confier au micro de Jacques Vendroux lors de sa première réélection qu'il veut faire le ménage au sein de la FIFA. Je veux que le Congrès nomme une commission d'enquête et vienne enquêter à la FIFA ce qui se passe à la FIFA. Ce qui sera important pour moi, c'est de redonner confiance au monde entier en disant maintenant à la FIFA, on va réinstaller une paix. Mais pour réinstaller une paix, il faut d'abord donc se débarrasser de ceux qui ont mis le feu. Parce que les incendiaires, ceux-là, ils sont punis. Et on va les punir. Parce que punir dans le sens que celui qui met quelque part le feu, il ne peut pas rester dans la maison si les pompiers sont arrivés et ont sauvé la maison. Le soupçon est d'autant plus grand autour de la FIFA que de nombreux journalistes alertent depuis plusieurs années sur les dérives du camp Blatter. Arrangements douteux, manquements à l'éthique, entorses au règlement, influences diverses. c'est le journaliste britannique Andrew Jennings qui va allumer les feux. En 2006, dans son livre intitulé « Carton rouge », il dresse un tableau alarmant des pratiques de l'association et il affirme, preuve à l'appui, que la corruption et le détournement d'argent ont atteint un niveau digne de celui d'un réseau mafieux. Pire, il démontre l'existence de mécanismes d'enrichissement personnel. À quelques mois de la Coupe du Monde en Allemagne, ces révélations font grand bruit. Mais la vague du scandale finit par retomber, le sport reprenant, comme d'habitude, ses droits. Pour de nombreux hauts responsables de la FIFA, cet épisode renforce leur idée selon laquelle ils sont invulnérables. Aussi, en 2011, lorsque naissent les premières polémiques autour du choix du Qatar comme pays hôte du Mondial 2022, à Zurich, siège de la FIFA, personne ne s'inquiète. Tout le monde pense que les choses vont se tasser. Et pourtant, au fil des mois, l'affaire ne cesse de prendre de l'ampleur dans les médias. D'autant qu'un grand nombre de spécialistes pointent du doigt un problème qui peut remettre en cause la tenue de la compétition dans le Petit Émirat. Ce problème, que certains responsables de l'organisation n'ont, semble-t-il, pas pris en compte ou oublié, c'est celui du climat, ici, en juin et juillet. Entraîneur d'une équipe locale sur place, le Français Gérard Gilly réagit sur ce point avec ironie. L'été était 50 degrés, donc sans climatisation, c'est naturellement très très difficile. Mais bon, je sais qu'il est prévu que les stades soient climatisés, faire en sorte que les matchs se déroulent à des températures de 20 degrés, ce que l'on trouve au mois de juin en France. Le problème de la chaleur, c'est quand même pas quelque chose de nouveau au Qatar. Donc je suppose que tout le monde était au courant. Au Qatar, l'été, c'est entre 45 et 50 degrés. Quoi. C'est un argument qui ne tombe pas du ciel comme ça et qui surprend tout le monde. Air irrespirable, plus de 90% d'humidité en moyenne en journée, un soleil de plomb et un ciel sans nuages. Pour remédier aux critiques, les Qataris proposent une solution digne d'un film de science-fiction. Lors d'un forum international du sport, ils annoncent, vidéo à l'appui, la construction de grandes soucoupes volantes, des engins qui devront survoler les stades et ainsi apporter de l'ombre aux joueurs et aux spectateurs. De son côté, pour faire taire les critiques, la FIFA propose de décaler le calendrier de la compétition pour qu'elle se déroule en hiver. Un procédé qui transgresse le cahier des charges de candidature et qui suscite la colère des États-Unis en constant état de mauvaise humeur depuis que le Qatar lui a ravi l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Au même moment, dans la presse, un lanceur d'alerte anonyme travaillant au sein de la FIFA transmet à des journalistes du Sunday Times une nouvelle pièce très compromettante pour Sepp Blatter. Il s'agit d'un rapport interne de la FIFA remis à chacun des membres au moment du vote, dans lequel on apprend que sur les 5 candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2022, une attribution à l'Australie, au Japon, à la Corée du Sud et aux États-Unis était considérée faiblement risquée, alors que confier la compétition au Qatar présentait, je cite, un risque extrêmement élevé. Alors pourquoi avoir fait ce choix du Qatar ? Contre vents et marées, la FIFA tient bon pendant plusieurs mois et défend sa position. Il faut attendre janvier 2013 et la publication par le magazine France Football d'un dossier intitulé Qatar Gate pour que les questions portant sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar trouvent enfin leur réponse. Dans son enquête de 16 pages, France Football propose une mise à nu solidement étayée du fonctionnement de la FIFA. Une instance qui, selon le journal, est pourrie de l'intérieur par des années de tripatouillage. Et l'on découvre le témoignage accablant de représentants africains qui affirment avoir été approchés et, pour certains, payés pour voter Qatar. Les faits sont là, les preuves aussi. Et pourtant, comme un mauvais scénario qui se répète, la vague du scandale ne tient que quelques jours, puis retombe dans l'oubli. Coup de théâtre, cela dit. En mai 2014, 2 ans et demi après la cérémonie d'attribution à Zurich, alors que le plus grand monde dans la presse ne s'intéresse plus à l'affaire, c'est l'éternel et indéboulonnable président de la FIFA, Sepp Blatter, qui jette lui-même de l'huile sur le feu. Dans une interview télévisée accordée à la radio-télévision suisse, il déclare que le choix du Qatar, c'était une erreur. Bien sûr, mais écoutez... Vous dites que c'était une erreur, oui. Oui, enfin une erreur, une erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Mais le comité exécutif, avec une majorité assez large, a quand même décidé qu'on va jouer au Qatar. Pour dire les choses brutalement, est-ce que le Qatar a un peu acheté le mondial ? Non, alors ça, je ne dirais jamais qu'ils ont acheté, parce que c'était la poussée politique. C'était vraiment aussi bien qu'en France, qu'en Allemagne. Mais derrière la politique, vous savez bien qu'il y a l'argent. tellement d'argent le Qatar qui achète tout partout. Oui, mais écoutez, nous ne pouvons pas intervenir dans les considérations politiques. On sait très bien des grandes maisons françaises et des grandes maisons allemandes travaillent au Qatar. Mais ils ne travaillent pas seulement pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est une petite chose que ce qui se passe aujourd'hui au Qatar. Mais Sepp Blatter va plus loin dans ses accusations. Il pointe du doigt l'ex-chancelier allemand et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Deux personnages qui, selon lui, ont joué de leur influence pour orienter la décision du jury. Au même moment, à Zurich, au siège de l'organisation La Guerre des Clans pro-anti-Blatter fait rage. Une rumeur court, selon laquelle une enquête interne, pour l'instant gardée secrète, mettrait en cause de très hauts dirigeants de l'organisation dans l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. À la FIFA, on tente de colmater la brèche. À ce moment précis, personne n'imagine qu'il est déjà trop tard, personne ne sait qu'un compte à rebours judiciaire est déjà lancé et qu'un an plus tard, il va déboucher sur un grand ménage. Je suis sûr que la Coupe du Monde au Qatar sera un événement extraordinaire comme ont été les Jeux Olympiques. Ça n'est pas un État, mais la FIFA, la fédération qui gouverne le football mondial. On a largement l'influence, elle brasse des milliards d'euros, décide d'accorder tous les 4 ans à un pays en particulier la compétition la plus regardée au monde avec les Jeux Olympiques. Cette puissance n'est donc pas seulement sportive, mais elle peut devenir politique. C'est pourquoi elle est regardée et étudiée avec beaucoup d'attention. Et à côté du nom de cette FIFA, vient souvent s'accoler depuis des années le terme de corruption, avec l'impression que ses plus hauts dirigeants sont intouchables. Mais cette fois, certains parlent d'un véritable séisme dans le monde du football. Avec l'arrestation ce matin à Zurich, où doit être élu dans 2 jours un nouveau président qui devrait être le même qu'hier, à savoir Sepp Blatter. L'arrestation donc de 6 hauts responsables de l'organisation soupçonnée de corruption. Arrestation à la demande des autorités américaines. Et puis parallèlement, on a appris un peu plus tard dans la matinée que le parquet suisse avait ouvert en mars dernier une procédure pénale pour soupçon de blanchiment et gestion déloyale concernant les attributions des Coupes du Monde de 2018 et 2022 en Russie et au Qatar. Ça fait beaucoup. Merci. mercredi 27 mai 2015, il est 6h du matin lorsque d'étranges clients se présentent à l'accueil de l'hôtel Bord de Zurich. Le luxueux complexe, pied-à-terre des huiles de la FIFA, est encore endormi lorsque la douzaine d'hommes frappent aux portes des chambres. Ces individus sont des policiers suisses. Ce matin-là, ils interviennent sur demande d'un juge américain pour interpeller et placer en garde à vue 14 personnes appartenant toutes à la Confédération Amérique du Nord et Caraïbe de la FIFA. Il se trouve qu'une vaste enquête pour corruption, racket et blanchiment a été ouverte. Toutes les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir touché des pots de vin depuis le début des années 90 à hauteur, selon l'acte d'accusation, de plus de 150 millions de dollars. Alors que le jour se lève, à Zurich, la police dresse des draps blancs autour de ses voitures et les suspects y sont emmenés manu militari direction le siège de la police. Présents sur place, plusieurs journalistes filment la scène. Elle fera le soir même l'ouverture des journaux télé du monde entier. Pour beaucoup, ces images confirment tous les soupçons qui se sont accumulés année après année. Pour la ministre de la Justice américaine, Loretta Lynch, la plus puissante des fédérations sportives est bel et bien rongée de l'intérieur par un système mafieux. Ils ont corrompu les affaires du football mondial en servant leurs intérêts et en s'enrichissant personnellement. À partir de 1991, deux générations de dirigeants ont utilisé leur position pour solliciter des pots de vin en échange de l'attribution des droits marketing pour leurs compétitions. Ils l'ont fait et refait, année par année, tournoi après tournoi. Le lendemain, on apprend que le ministère public de la Confédération helvétique, travaillant de concert avec plusieurs juges aux États-Unis, a ouvert depuis plusieurs mois une procédure pénale baptisée Opération Darwin et dont les chefs d'accusation sont soupçons de gestion déloyale et blanchiment d'argent dans l'attribution de la Coupe du Monde 2018 en Russie, en effet, et 2022 au Qatar. Comble de l'ironie, le point de départ de toute cette investigation de la police suisse n'est autre que le dépôt d'une plainte contre X par la FIFA pour fraude ou comment s'attirer des ennuis tout seul. De son côté, la presse révèle le nom de l'homme qui a permis aux Américains de remonter tout le système des pots de vin. Il s'appelle Chuck Blazer. Il est l'ex-secrétaire général de la Confédération Amérique du Nord pour la FIFA. Le monde du ballon rond le connaît sous le pseudonyme de Monsieur 10%, montant des commissions occultes qu'il réclamait sur tous les contrats qui passaient sur son bureau. Rattrapé par la justice américaine pour fraude fiscale, l'homme a conclu un arrangement en échange de sa coopération pour démasquer le blanchiment d'argent à la FIFA. Pour de nombreux spécialistes, cet intérêt soudain des Américains à mettre leur nez dans les affaires de la FIFA vient de l'humiliation qu'ils ont ressentie lors de la cérémonie d'attribution de la Coupe du Monde. C'était en décembre 2010. En juin 2015, alors que le navire FIFA traverse une sévère tempête, son directeur de la communication, Walter de Gregorio, se fend d'une blague sur le plateau d'une chaîne de télé suisse. Le président de la FIFA, Joseph Blatter, son directeur de la communication, Di Gregorio, et le secrétaire général, Jérôme Valqueux, sont dans une voiture. Qui l'a conduit ? Les journalistes médusés se regardent. Et d'un ton très pince sans rire, Walter de Gregorio ajoute... La police ! La police ? La maladresse du directeur de communication lui coûtera son poste et cette intervention fera une fois de plus la une de la presse. Décrédibilisée, pointée du doigt, la FIFA procède malgré tout, quelques jours plus tard, à l'élection de son président. Réélu pour la cinquième fois, Sepp Blatter est pourtant contraint, deux jours plus tard, de renoncer à son poste face aux soupçons qui pèsent sur lui et sur ses plus proches collaborateurs. Entre-temps, l'homme qui a régné pendant plus de 17 ans sur la FIFA dénonce partout où il passe une cabale menée en interne par un certain Michel Platini, le président de l'UEFA et numéro 2 de l'Organisation de la Fédération Internationale. Interrogé, l'ancien leader de l'équipe de France explique. J'ai dit écoute Sepp. On a commencé ensemble en 1998. C'était à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble, nous avons trahi ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. « Dans les mois qui suivent, de juillet 2015 jusqu'à l'ouverture de l'Euro 2016, la FIFA et ses dirigeants entrent de plein pied dans un psychodrame quasi quotidien. Semaine après semaine, mois après mois, les révélations sur l'ampleur de leur tentaculaire système de pratiques occultes est mise à jour dans la presse. Le quotidien britannique Sunday Times publie les confessions de plusieurs responsables de l'organisation qui avouent avoir touché les pots de vin pour leur vote concernant l'obtention des Coupes du Monde 98 en France et 2010 en Afrique du Sud. Le journal allemand Der Spiegel affirme que son pays, l'Allemagne, aurait tenté d'acheter des voix de responsables de la FIFA en échange de vente d'armes. Dans la presse, on découvre également que l'ex-vice-président de la FIFA, Jack Warner, aurait demandé 7 millions de dollars à l'Égypte en échange de plusieurs voix pour sa candidature au Mondial 2010. Événement pour lequel ce même Jack Warner aurait reçu de l'argent de la part de l'Afrique du Sud, l'autre grand candidat en lice. Dans une entrevue télévisée accordée à Canal+, Michel Platini confirme avoir voté pour le Qatar en 2012, ce qui entraîne un début de polémique dans l'Hexagone. D'autant que de son côté, le journal Le Monde révèle que la FIFA fait un prêt qui ne sera jamais remboursé de 5 millions de dollars à la Fédération d'Irlande après l'épisode de la main de Thierry Henry qui a injustement privé le pays de Coupe du Monde. Comme le confirme sur France Inter l'un des responsables de la Fédération irlandaise, John Delaney. On avait le sentiment qu'on avait de quoi attaquer en justice la FIFA pour ce mondial raté à cause de la main d'Henri. Il y a eu aussi l'attitude de Blatter qui s'était moqué de nous à la tribune. Donc quand je suis allé le voir et que je lui ai dit ce que je pensais, il y a eu quelques jurons, on a trouvé un accord. C'est un très bon accord pour la fédé irlandaise, très légitime, un paiement pour qu'on ne lance pas d'action en justice. Aujourd'hui, la Fédération internationale de football vit une certaine accalmie avec l'euro qui capte toute la tension. Et ce sera le cas probablement jusqu'au 10 juillet. Et pour autant, les plaies de cette affaire restent profondes pour les fans de foot et les amateurs qui pratiquent ce sport pour le plaisir, eux. Quant à la Coupe du Monde 2022, personne ne sait si elle se tiendra vraiment au Qatar. D'autant que de nombreuses questions restent encore en suspens. Parmi celles-ci, la principale, par quel mécanisme est procédé le Qatar a-t-il réussi à mettre la main sur la Coupe du Monde? Et aussi, avec toutes ces polémiques, peut-elle encore se jouer dans ce pays? Voilà, Michel Platini, nous n'avons prononcé son nom qu'une fois dans ce récit, alors qu'il est omniprésent dans cette affaire. Eh bien, nous en parlerons largement dans quelques minutes avec notre invité, Jean-Philippe Leclerc. Quand j'étais joueur, entraîneur ou consultant, j'avais le droit de dire toutes les conneries que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le droit de les faire. Et ça, c'est formidable. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The scars of your love remind me of France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, une affaire connue également dans la presse sous le nom de Qatargate. Donc, pour en parler avec nous, aujourd'hui, le journaliste et rédacteur en chef à l'équipe Jean-Philippe Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre consacré à Michel Platini aux coulisses de la FIFA. Il est intitulé « Platoche, gloire et déboire d'un héros français » paru aux éditions Flammarion Enquête le 18 mai, très précisément. C'est bien ça? Exactement. C'est le bonjour. Jean-Philippe Leclerc, avant de revenir sur les coulisses de ce scandale du Qatargate, j'ai envie de vous demander quand même quelle était votre réaction à vous, fin connaisseur du football, quand vous avez entendu le verdict Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'étais en fait à demi surpris. J'étais surpris parce que, comme vous l'avez rappelé, le Qatar c'est un tout petit pays, un département français. C'est un pays où il fait très très chaud. Oui, c'est pas le plus gênant d'ailleurs qu'il soit petit. C'est pas le plus gênant. C'est tout le reste. Quoi. C'est surtout le fait que c'est la Coupe du Monde, elle est attribuée en été et qu'en été au Qatar il fait très très chaud. En plus de ça, il n'y a pas de grande tradition du football au Qatar. Maintenant, pourquoi je n'ai été qu'à moitié surpris? Parce que ça faisait déjà quand même un moment que le Qatar était très présent sur la scène sportive mondiale. Ils étaient candidats à l'organisation d'à peu près tous les événements, avec comme ambition suprême d'organiser un jour les Jeux d'été. Les Jeux Olympiques d'été ou la Coupe du Monde de football. Et la question, c'était de se dire, un jour, il y a bien une organisation qui va craquer et qui va attribuer un événement majeur au Qatar. Et effectivement, ça a été la FIFA. C'est pour ça que ça a été seulement qu'une demi-surprise. Parce que les stades climatisés, bon, ça, c'est tout juste bon à faire attraper à tous les joueurs des rhumes, aux spectateurs aussi, cette histoire d'engins volants qui ferait de l'ombre. Enfin bon, on s'est dit au bout du compte, il n'y a pas d'autre solution. Ou on organise ça en hiver et on change le calendrier, ou on change notre fusil d'épaule. Mais est-ce qu'il est encore possible de changer notre fusil d'épaule 6 ans, on est en 2016, ça fait 6 ans, 6 ans avant, quand même, c'est l'organisation d'une Coupe du Monde, ça commence très vite, j'imagine. Oui, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique de la FIFA de revenir sur l'attribution. Il y a eu un nouveau président qui vient d'être élu, qui s'appelle Gianni Infantino, et il a été très clair. D'ailleurs, ses concurrents à l'élection, parmi ses concurrents, il n'y en a aucun qui a remis en cause le fait d'organiser la Coupe du Monde au Qatar. Le seul enjeu, c'est de savoir à quelle période et quelle saison on va le faire. Et ça peut changer ou pas ? Oui, il y a toujours un débat. On est quand même plutôt parti pour organiser la Coupe du Monde l'hiver, ce qui va poser des gros problèmes de calendrier au grand championnat européen, en particulier au championnat anglais qui est le plus puissant, en tout cas avant le Brexit, et qui lui a lieu, enfin dont les matchs, certains des matchs les plus importants ont lieu en particulier pendant la période de Noël et du jour de l'an. Donc voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas de remise en cause fondamentale, en tout cas de la FIFA, de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. En tout cas, au passage, alors vraiment considération juste sportive, on aurait peut-être des matchs plus jolis parce qu'avec des joueurs moins fatigués, hein, plutôt que ces Euros et ces Coupes du Monde qui arrivent quand même, vous êtes journaliste sportif, hein, 9 mois après une saison très dure et des blessés, j'en passe. Alors c'est vrai, ça serait peut-être un des avantages, peut-être la chaleur aussi, parce qu'on a eu une première partie d'Euros en France très pluvieuse, et on sait que les matchs avec des chaleurs importantes donnent des matchs souvent plus débridés, parce que ça affecte les organismes, et effectivement, donc voilà, on pourrait peut-être avoir de plus beaux matchs au Qatar, mais alors je doute qu'on ait la même ambiance qu'on ait au Qatar, qu'on a eu à l'Euro avec les supporters irlandais, les Gallois, etc. Ça sera sûrement une toute autre ambiance, beaucoup plus VIP, dirons-nous. Bon, alors on va passer au cas Platini. Alors, je ne sais pas s'il avait le sens des affaires. Alors vous dites, hein, dans votre livre que c'était un immense champion, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était le plus grand de l'histoire du football français. Est-ce qu'il avait le sens des affaires ou est-ce qu'il savait capitaliser son succès, son image? C'est passé par une boisson fraîche, notamment. Hein. Alors ça, c'est quand il était encore joueur. Oui. C'était fruité. Il n'a pas le tempérament à boire du rap la place. Voilà, c'est une publicité qui nous parle. Ouais, enfin, sur une antenne des services publics, ça nous parle. Ouais, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Donc, est-ce que Platini avait le sens des affaires quand il était jeune footballeur? Non, pas tellement. En fait, il s'est mis au business une fois sa carrière de football terminée, avec l'illusion que comme il avait été très doué en football, il serait aussi très doué dans les affaires. Donc, on lui a fait croire que c'était facile, qu'il suffirait, par exemple, de remplacer le petit crocodile par le numéro 10, et puis qu'il vendrait tout un tas de polos, de chemises, de pantalons. Et donc, sa marque numéro 10, en fait, n'a pas été un très grand succès. succès, même un très grand échec. Les affaires n'ont jamais tellement intéressé Michel Platini. En fait, ce qui l'a intéressé, lui, c'est plutôt la politique du football. C'est-à-dire que après la fin de sa carrière, il a été sélectionneur, mais il s'en est vite lassé parce que il s'est lassé du fait d'entraîner des joueurs qui étaient moins forts que lui. et ensuite, donc, il y a eu cette période de businessman où il s'est lassé encore plus vite. Et puis, il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde en France. Il était co-président du comité d'organisation. Oui. Et ça lui a bien plu. Donc, il s'est dit, voilà, je vais devenir un politicien du football avec des idées assez nobles, hein, qui étaient, de rendre le football aux footballeurs. C'était son slogan. Et donc, voilà, il est devenu d'abord conseiller du fameux Sepp Blatter. Et puis ensuite, il est devenu président de l'Union Européenne de Football. Donc, la principale confédération de football au monde. Et puis, voilà, il a fait une carrière de inespérée. Enfin, on n'avait jamais vu un sportif, et pas seulement un sportif français, à ce niveau de responsabilité, à diriger une confédération aussi puissante. La Chine, comme ça. Avec plus de 50 pays, des centaines de millions à brasser. Enfin, c'était une trajectoire jusque-là totalement limpide. Est-ce qu'on peut dire, quand il est parti de son concept de rendre le football aux footballeurs et tout ce qu'il a pu faire après, est-ce qu'on peut dire qu'il était à l'origine d'une révolution administrative et sportive au sein de la FIFA ? Il a vraiment changé les choses ? Il a marqué de son empreinte ou pas ? Disons qu'il y a eu une sorte d'état de grâce au début de son premier mandat, donc il a été élu en 2007, où c'est vrai, il a réalisé beaucoup de ses promesses, en fait. Il est arrivé à faire dissoudre un organisme qui s'appelait le G14, qui regroupait les clubs les plus riches. Mmh. Et ils sont autodissous sous la pression de Platini. Il est arrivé à ouvrir quand même un petit peu les principales compétitions européennes à des plus petits pays. Il est arrivé à instaurer le fair play financier, dont on peut dire que voilà, il n'est pas allé assez loin, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Personne l'avait fait avant lui. Donc il y a eu une sorte d'état de grâce. Et puis je pense qu'il a été rattrapé un peu par le pacte faustien qu'il avait passé avec Sepp Blatter. Eh ben oui, Blatterini. Voilà, et c'est devenu Blatterini, effectivement, ouais. Comme les avaient surnommé les journalistes allemands en particulier. Et Platini a voulu diriger l'UEFA comme Blatter avait dirigé la FIFA. Et voilà, il s'est un peu perdu dans un exercice, je dirais, solitaire du pouvoir. Il s'est un peu enfermé dans sa tour d'ivoire et a été victime, oui, d'un syndrome qu'on connaît bien chez les hommes politiques, de perdre un peu le sens des réalités. Est-ce qu'il aurait été aussi victime, on va dire, d'un manque de formation, parce que sa formation, c'est le football. Il arrive dans un monde où il y a effectivement des politiciens, là, pour le coup, on peut dire politiciens, parce qu'une façon de faire de la politique est quand même pas la plus honorable. Est-ce qu'il n'aurait pas été dépassé par tout ça, par manque de formation aussi, hein? Oui, après, on retrouve aussi dans ces instances des gens qui sont très, très diplômés et qui sont dépassés aussi. Ben oui. Platini avait une sorte d'instinct. Il dit souvent à propos des gens, je le sens pas. Il pensait avoir une bonne étoile, et il l'a eu jusqu'à très récemment. Donc il avait comme ça une faculté à trancher très vite, et c'est vrai que son instinct pour l'instant l'avait plutôt emmené haut et loin. Donc et il a été un peu trahi par cet instinct, et il a cru sûrement beaucoup trop en sa bonne étoile, et il a pas fait les bons choix. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment à partir de l'affaire du Qatar que tout ça commence à s'écrouler un peu pour Platini? Alors, je pense qu'au niveau de son image, oui. Ça, c'est certain. Il y a vraiment eu un avant et un après Qatargate, un avant et après révélation de France Football. C'est-à-dire que lui avait dit avant qu'il avait voté pour le Qatar. On savait que son fils travaillait pour les Qataris, mais le dossier de France Football et le fait de le relier comme ça, enfin, ça a eu un effet détonateur absolument incroyable sur son image. Là, on s'est dit, Platini, c'est plus le chevalier blanc, c'est un chevalier un peu gris. Et c'est un chevalier qui a attribué la Coupe du Monde au Qatar et dont on ne comprend pas le choix. Et il y a eu à l'époque donc la révélation du fameux déjeuner à l'Élysée quelques semaines avant. Puisque vous en parlez, moi, j'ai un document là-dessus. Donc on va l'écouter, puis on reprendra le fil de la conversation. Hein, donc concernant ce vote pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, effectivement, je confirme, on a appris par la suite qu'il avait participé. Alors c'était en novembre 2010. Soit 10 jours avant le vote à Zurich, il a participé à un déjeuner bien particulier à l'Élysée. Et d'ailleurs, il en parle, on va l'écouter. Et au moment où je rentre dans la salle, il y a le président de la République, il y a Sophie Dion, il y a M. Guéant, je crois, c'est ça. Et hop, j'ai vu le prince du Qatar, le fils de l'émir et le premier ministre du Qatar. Donc j'étais pas au courant que j'avais à avoir un déjeuner avec eux. Et c'est pour ça que je l'ai raconté, parce que ça se serait su. Je préfère le dire en disant, attendez, je suis allé à un déjeuner, il y avait les gens du Qatar. Donc je savais que ça allait me retomber sur la tête, mais j'y suis pour rien. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru comprendre, mais personne ne m'a jamais rien demandé. Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar? Non. Non. Il vous l'a fait comprendre? Là, il l'a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table. Hein. Bon, là, il est politique, hein, pour le coup. C'est-à-dire qu'il est à la fois prudent, il dit les choses sans les dire. Là, il a du sens politique. Ah oui, ouais, là, il a du sens politique. Après, il a eu moins de sens politique en votant pour le Qatar. Mmh. Il a été quelque part, je pense, un peu piégé quand même par ce déjeuner. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que Platini a voté pour le Qatar? C'est ça la question, en fait. Et est-ce que c'est là que ça bascule? Je pense que c'est là que ça bascule, oui. Ouais. C'est-à-dire que je pense que Platini... Il l'a dit d'ailleurs, il avait l'intention de voter pour les États-Unis. Il a même eu à un moment l'intention de voter pour les Japonais et les Coréens. En fait, il n'avait pas beaucoup d'intérêt dans ce scrutin-là, Platini, puisqu'il n'y avait pas de pays européen. Donc en tant que président de l'UEFA, il n'avait pas de cheval. Donc il était relativement libre de son vote. Et je pense que ce qui s'est passé ce jour-là à l'Élysée, c'est qu'effectivement Platini est quelqu'un d'assez patriote. Hein, c'est un petit-fils d'émigré italien, il a le sens du drapeau, même s'il ne chantait pas la Marseillaise, il a vraiment le sens du drapeau. Il avait en plus de ça un ascenseur à renvoyer à Nicolas Sarkozy, qui avait permis à la France de décrocher l'Euro 2016 contre la Turquie, cet Euro qui se déroule en ce moment. Exactement. Et que la France avait décroché d'une seule voix, parce que Sarkozy s'était déplacé en personne, il avait rencontré les membres du comité exécutif 1-1, alors que le président turc n'avait pas eu ce privilège, donc il y avait cette notion de renvoyer un peu l'ascenseur. Et puis le dernier aspect, peut-être le moins avouable, c'est que pour Platini, voter Qatar, c'était aller saccager un peu les plates-bandes de Blatter, parce que Blatter, il avait un rêve, il voulait obtenir le prix Nobel de la paix en attribuant la Coupe du Monde 2018 à la Russie et 2022 aux États-Unis. Comme ça, c'était une façon de réconcilier avec un ballon les deux anciens ennemis de la guerre froide et il s'en cachait pas. C'était pour lui... Sans complexe. Sans complexe, voilà. Il se disait, si j'arrive à faire ça, je vais avoir le prix Nobel de la paix. Et donc, Platini était trop content de lui saccager ses plates-bandes et de lui envoyer un message et de lui dire, voilà, tu es président de la FIFA, je suis président de l'UEFA, j'ai la capacité, uniquement par mon influence, de faire basculer un scrutin. Donc attention, ne me prends pas juste pour un ex-footballeur tout juste capable de taper dans un ballon. Et là, c'est la rupture et l'affrontement. Alors c'est une histoire très compliquée. Feutré, hein, ça Blatter, se montre Platini, pas. Mais... C'est vraiment je t'aime moi non plus depuis le début. Encore aujourd'hui, Platini est capable de dire qu'il admire cette Blatter et réciproquement, alors que quand même ils sont affrontés très très durement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le vote pour le Qatar de Platini, c'est vraiment là que Blatter comprend que Platini devient un danger. Potentiellement, il devient un danger pour lui. Et on l'entend après, hein, quand il dit dans l'archive à Sepp Blatter, bon écoute, on a commencé ensemble, je te respecte, maintenant tu pars quoi. C'est voilà, bon. et ce que voulait Platini, c'est qu'un jour Blatter lui dise, voilà, je quitte la FIFA, maintenant c'est ton tour, je te cède mon trône, je te cède de ma couronne. Et Blatter n'avait pas du tout l'intention de lui céder quoi que ce soit. Le rêve de Blatter, c'était de mourir sur scène comme Molière et de ne surtout pas avoir d'héritier. D'où l'ambiguïté entre les deux jusqu'à encore très récemment. Alors, il y a la dimension morale aussi. Concernant le Qatar, un pays, on le disait dans le récit, qui réserve à ses travailleurs émigrés une condition d'esclave et même de prisonnier. On va écouter sur ce point un court extrait du reportage de Mariam El Kurdi au Qatar pour le magazine de la rédaction de France Inter, Interception. Nous sommes dans un compound, ensemble de villas à l'américaine. Et là, je rencontre Toipa. Elle est indonésienne, elle a 30 ans. C'est une petite femme fluette, elle a presque une silhouette d'enfant. Elle porte une blouse bleue, c'est sa tenue de domestique. À l'abri des regards, Toipa profite de l'absence de la maîtresse de maison pour se confier. I wake up at 6 o'clock. Je me lève à 6h le matin et je me couche à 10h le soir. Je travaille sans m'arrêter. Je travaille à la fois à la maison et dans le salon de coiffure de ma madame. Tout doit être impeccable, tout le temps. Je commence vraiment à être fatiguée, je n'en peux plus. Alors j'ai dit à madame que je voulais rentrer chez moi, dans mon pays. Mais madame m'a dit, tu dois payer l'équivalent de 2200 euros. Mais c'est impossible, je n'ai pas cet argent. Vous savez, normalement dans mon contrat, c'est écrit que si je veux rentrer chez moi en Indonésie, je dois payer 3 mois de salaire à mon employeur. Mais madame, elle m'a dit, non, tu ne peux pas, tu travailles et tu te tais. Quel est votre salaire mensuel ? Mon salaire mensuel, c'est l'équivalent de seulement 126 euros. And what is your right here in the et votre contrat, il prévoit quoi ? Un jour de repos par semaine ? Dans mon contrat, bien sûr, j'ai droit à un jour de repos. Mais madame me le refuse. Tout le temps, je dois travailler, travailler, travailler. Voilà, c'est sans commentaire. Hein. Peut-être que, d'ailleurs, connaîtra-t-on dans 6 ans ou dans 5 ans un mouvement comme celui qui avait existé, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Donc là, pour motif politique, parce que c'était un pays mené par un bras de main de fer et cruel de la junte fasciste à l'époque. Il y avait eu des initiatives de boycott. Peut-être qu'on voilà, on connaîtra quelque chose. On peut s'attendre quand même, quand on sera près de l'échéance, à de vraies, vraies polémiques de la part du monde du football. Ou est-ce que le monde du football pense d'abord ballon rond avant de penser tout court ? Ça ne viendra pas forcément du monde du football. Mmh. Il y a eu des mouvements de protestation aussi, souvenez-vous, avant les Jeux de Pékin. Oui, bien sûr, 2008. Y compris à Paris, au passage de la torche olympique, de la flamme olympique, où il y avait eu des incidents sérieux. Donc il y aura une forme de mobilisation, il y a déjà eu une forme de mobilisation, de dénonciation, en particulier de ce qui se passe sur les chantiers de construction des stades, avec des ouvriers népalais qui sont vraiment, enfin, quasi à l'état d'esclaves. Comme cette jeune fille qu'on vient d'entendre. Comme cette jeune fille. De toute façon, c'est très bien que l'économie qatari fonctionne en partie sur une main-d'œuvre émigrés très très peu payés et par moments quasiment réduits à l'état d'esclave. Donc maintenant, je pense pas que ça remettra en cause l'organisation de la Coupe du Monde, comme ça n'a pas remis en cause l'organisation de la Coupe du Monde 78 en Argentine ou celle des Jeux Olympiques à Pékin. Jean-Philippe Leclerc, vous êtes, je le rappelle d'abord, un journaliste sportif, même si vous avez travaillé sur d'autres dossiers qui n'étaient pas ceux du sport. Hein. Donc vous connaissez bien le football. Nous sommes en plein Euro, il nous reste 1 minute 45, on va parler foot ce soir. Alors vous allez, juste après l'émission, vous partez au Stade de France, pour voir le match entre l'Italie et l'Espagne. On va parler de l'Italie, ça aurait été une autre équipe qui jouait ce soir, on parlait d'une autre équipe, tout le monde me comprend. Alors les Italiens ont-ils des chances devant les Espagnols ce soir ? J'espère bien. La grande affiche. J'espère bien, parce que nous avons tous les deux des noms français, mais nous sommes d'origine italienne. Vous du sud et du nord, je vous comprends. Donc voilà. Donc je me cache pas. Je devrais avoir une sorte de devoir de neutralité en tant que rédacteur en chef de l'équipe, mais là je serai pour la nationale et pour l'Italie. Et je pense que effectivement, sur ce qu'on a vu sur le premier tour, elle est capable de surprendre l'Espagne, peut-être au bout des prolongations et peut-être au bout des tirs au but, mais voilà, je reste optimiste. Enfin, chemin de croix quand même, vous rendez compte, si l'Italie bat l'Espagne ce soir, c'est déjà dur, hein. Après, ce sera probablement l'Allemagne, et après, probablement la France, qui a bien joué hier, hein, qui a montré des vraies capacités. Qui a fait une bonne deuxième mi-temps, dirons-nous. Ouais, voilà, bon, vous rendez compte. Oui, ça va être très compliqué, mais bon, voilà, c'est tout l'esprit. D'un autre côté, c'est quand même un petit miracle de les voir à ce niveau-là, les Italiens. Qu'on puisse encore les considérer parmi les favoris alors qu'ils sont arrivés à l'Euro dans un si piteux état. Absolument. En partie à cause du PSG, puisque c'est le PSG a pas très bien géré le cas Verratti, qui est sûrement le meilleur joueur italien actuel. Donc il est blessé, forfait pour ce championnat d'Europe. Donc le fait de retrouver quand même les Italiens là, face aux Espagnols en huitième, et d'envisager qu'ils puissent passer ce tour et aller plus loin dans la compétition, c'est déjà, je pense, vu d'Italie, une petite forme de victoire. C'est vrai. Surtout quand ils ont battu les Belges. Parce que la belgicomania de cet Euro, c'est incroyable. Les Belges qui ont très très bien joué. Allez, l'équipe qui, selon vous, peut gagner l'Euro. Si on voit ça de façon rationnelle, et d'après ce qu'on a vu, il y a l'Allemagne et la Belgique, c'est sûr, hein, deux belles équipes. Et puis la France que chez elle, ça compte. Alors rapidement, on n'a plus que quelques secondes. C'est compliqué, mais effectivement, c'est les deux équipes les plus impressionnantes pour l'instant sont les équipes allemandes et l'équipe belge, enfin sur ce qu'elle a montré hier soir, parce que contre les Italiens, c'était quand même moins c'est bon. C'est vrai. À suivre, Jean-Philippe Leclerc. Merci d'être venu. Merci à vous. Allez vite au stade. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également, et comme d'habitude, sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le mouvement populaire en Turquie, il y a 3 ans, et sa répression, 6 morts et 400 blessés. À suivre sur France Inter, Elsa Boublil, bien sûr.